Sing it high, sing it low, shout it out, let them know we're alive in the dark, united we are. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show diffusé par Radio Bills. Et nous sommes le jeudi 2 novembre. Putain, c'est déjà novembre. Oh là là là là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a gagné une heure de sommeil, mon cher Tom. Bonsoir. On va dire ça vite fait, quoi. Ouais, vite fait. Parce qu'avec tout ce qu'on a fait ce week-end, eh ben, on l'a pas vu passer cette heure. On l'a même pas récupéré. On était chacun de notre côté, mais je crois qu'on était tous les deux bien chargés. Voilà. En tout cas, le Samhain Festival, c'était un putain de super festival. Et le festival de Vouziers, bah, comme chaque année, un très très bon festival. Alors, je dirais que Firewind a vraiment emporté tous les suffrages, suivi par Girls' School. Ensuite, on a eu le droit à Tank, Venom. Ouais, voilà, ça le c'était. Le vrai Tank, hein. Ouais, le Tank, hein, pas le Tank anglais, pas le Tank. Mais il y avait David Redman au chant. Donc, c'est, voilà, c'est, ça donne beaucoup plus de mélodie. Et David Redman, dont Andy Deris, que vous avez entendu dans le titre d'ouverture, était l'ancien chanteur de Pink Cream 69. Et donc, David Redman est le chanteur de Pink Cream 69. Alors, on va vous annoncer aussi que ce soir, nous aurons comme invité Monsieur SAS de l'Argilière, le chanteur misanthropique de Misanthrope, bien évidemment, pour la sortie du nouvel album Alpha et Omega. On en parlera donc en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on va débriefer un petit peu ce qu'on a écouté. Pourquoi on vous a passé Halloween? Tout simplement parce que le 31 octobre, c'était Halloween. Hein, et puis que surtout, le groupe sera en concert à Paris le 15 novembre au Zénith, et qu'il y a une reformation disons qu'ils vont reformer Halloween de toutes les époques. Alors avec tous les chanteurs, avec Kai Hansen, avec Michael Kiske, avec Andy Deris, et d'ailleurs le titre que vous avez entendu, Pumpkins United, qui est le single, qui est sorti le 13 octobre chez Nuclear Blast, eh bien, dedans, on retrouvait les trois chanteurs. On retrouve Kai Hansen à la guitare également. Et ce morceau, d'ailleurs, a été composé par tout le groupe, par eux tous, avec Monsieur Michael Whitecat, bien entendu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, pas grand-chose de plus, hein, sur Halloween, sinon qu'il faut y aller. Ils nous viennent de Hambourg, ce sont des Allemands, ils se sont formés en 1983, ils font du heavy mélodique, power mélodique on va dire même, ils ont à peu près 15 albums studio à leur actif. Ce que vous entendez en fond sonore, mon cher... Yes. Donc ce serait Conscience. Ce serait C'est Conscience. C'est Conscience, oui, excusez-moi. C'est Conscience, album sorti en 2014, c'est ça? Yes. Hein. Et eux aussi seront en concert avec Ron Bubblefoot Tal, donc Ron Tal de Bubblefoot, avec Thank You Scientist, et donc Conscience, ça sera au Petit Bain le 20 novembre, et on a des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Ah oui, Ron Tal a joué récemment pour l'anniversaire de quelqu'un. De quel anniversaire et de qui s'agit-il? Tout ce que je peux vous dire pour ceux qui étaient au Samhain Festival, c'est que la personne qui fêtait son anniversaire est venue nous voir, nous rendre visite à Rennes, au Samhain Festival. Voilà! D'ailleurs, c'était bien? Ouais, c'était très bien. très très très très bien. Samhain et vous y êtes, tu as fait ce week-end. Ouais, les deux, c'était très bien. Il a traversé la France. Ah oui, parce qu'on était à Rennes d'un côté. Enfin, d'abord, on a fait Paris, Rennes, Paris, vous y êtes, Paris. Voilà, tu aurais pu faire Paris-Marseille après derrière. Non, c'était trop long. Bon, allez, on va passer à des nouveautés. On va commencer tout en douceur avec du blues, avec Monsieur Papa Shubi qui nous sort son nouvel album qui s'appelle Two Dogs. Le morceau que je vous ai choisi, c'est Rescue Me, sorti chez Vericord le 27 octobre dernier. Il est disponible en CD Digipack et vinyle, avec en bonus des reprises live de Sympathy for the Devil des Rolling Stones, bien entendu, et de Alléluia de Monsieur Leonard Cohen. Et surtout, le groupe sera en concert, donc Papa Shubi sera en concert, excusez-moi, le 31 janvier 2018 au Bataclan. Nous allons enchaîner ensuite, après Papa Shubi, par Monsieur Bumblefoot, Monsieur Rontal, avec le morceau Clots, tiré de du dernier album en date du groupe, qui est sorti le 24 février 2015, qui s'appelle Little Brother is Watching. C'est une autoprod, il contient 11 titres, et on retrouve Monsieur Rontal au chant et à tous les instruments, sauf à la batterie, puisque c'est pas lui. Donc il sera le 20/11 à Paris, on vous le rappelle, ça sera au Petit Bain, accompagné de Thank You Scientist et de Conscience. Nous enchaînerons ensuite avec It qui vient de nous sortir une date. J'avais pas vu qu'il y avait une date de concert pour It, mais ça tombe très bien puisque l'album est sorti le 22 septembre dernier. Et c'est Into the Great Unknown. Et je vous propose de découvrir Bastard of Society. Et c'est sorti chez ERR Music, mon cher Tom. Yes. Hein, c'est le 5e album du groupe, il contient 10 titres, c'est bourré de mélodies, c'est excellent. C'est un sextet de Hard FM qui s'est formé en 2007 et ils nous viennent de Suède. Ils seront en concert le 11 novembre. Mais sachez, au Nouveau Casino, sachez que le 11 novembre, il y aura également la soirée et l'émission qu'on vous a fait la semaine dernière, puisque c'est Old Friends from Paris. Exactement, avec ADX, MF Crew et Rapture Farm. Rapture Farm. Donc si vous voulez réécouter tous ces groupes, vous réécoutez l'émission de la semaine dernière. Et le lien est disponible sur la page Facebook. Tout à fait. Et nous terminerons cette première plage musicale avec Mr. Big qui, eux aussi, seront en concert. C'est tiré de Defying Gravity, album sorti en juillet dernier chez Frontiers. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Everybody Needs a Little Trouble. Un petit morceau bien musclé. Ils seront en concert le 6, c'est-à-dire que ce sera dans... Dans combien dans... C'est lundi ? Ça sera lundi, c'est ça, non ? Puisque le 2, 3, 4, 5... Oui, c'est ça, ça doit être lundi ou mardi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ce sera à la Machine du Moulin Rouge avec The Answer et Faster Pussycats. Voilà, et bien écoutez, on vous laisse en musique et on vous retrouve tout de suite après. On vous rappelle le numéro de téléphone. 06 81 01 28 34 pour rafler les places pour Bumblefoot le 20 novembre. Oh, I gotta feel like love, baby. If it tastes like sugar, then it must be sweet. If it tastes like honey, it got to come from the bee. If it feels like a tidal wave, it got to come from the sea now. Ain't no illusion, no way, no how, it come to me. If you like love, if you feel like love, if you feel like love, rescue me. You got to rescue me. If you feel like running, don't you run away. If you feel like talking, say, if you feel like going on, baby, to all of your friends.

We'll be right back. vivre dans le Rockford Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 avec Tom et Phil pour vous servir. Diffusé sur Radio Biz, vous êtes en train d'écouter The Answer. Mais avant ça, nous avons écouté Popa Shubi. Nous avons enchaîné avec Bumblefoot. Et ensuite, mon cher Tom, qu'est-ce qu'on a passé d'autre ? Hit et Mr. Big. Mr. Big. Donc tous ces groupes-là sont très bientôt en concert, sauf bien sûr Popa Shubi qui sera en concert le 31 janvier 2018. Voilà, et ce que vous entendez en fond sonore, donc ça accompagnera Mr. Big puisqu'il s'agit de The Answer. Il y aura également Faster Pussycat sur la même affiche, voilà, pour vous servir également. Maintenant, nous allons passer au gros morceau de la soirée. Yeah! Avec... Oui. S.A.S. de l'Argilière, le chanteur charismatique de Misanthrope. Oui, bonsoir. Phil, attends, excuse-moi, deux secondes, faut que tu m'expliques, parce que des fois on t'entend pas dans le micro. Bonsoir, Phil et Moll. Suis-je bien au Rockford Show, m'entendez-vous? Oui, nous vous entendons, monsieur S.A.S. de l'Argilière, comment allez-vous? Vous êtes dans une cave, Phil et Moll? Cher Phil et Moll, sors de ce corps. Vous m'avez reconnu. Bon, bah, je reprends ma voix normale alors. Ce soir. Ah, voilà, je préfère cette voix pincée, serrée du nez, tellement désagréable. Bien lui. Ce soir, Misanthrope nous sort un nouvel album. Enfin, ils nous l'ont pas sorti ce soir, mais ils nous l'ont sorti le 27 octobre. Hein ? Voilà, c'est très chaud là, c'est à 48 heures. Voilà, c'est tout chaud. Heures. Tout chaud, tout chaud. Chez Holy Record, le nouvel album. Oui, incroyable. Hein, c'est incroyable. Incredible. C'est totalement culte. Et c'est très culte parce que c'est rare d'avoir un groupe comme ça qui reste aussi longtemps sur le même label. Ça n'existe pas. Tous les groupes français sont des traîtres et quittent toujours les producteurs qui les ont lancés. Et ben, Misanthrope, on fait l'inverse. Voilà. L'album s'appelle Alpha Omega, le magistère de l'abnégation. Que se cache-t-il derrière arrête, tout ça arrête, d'imiter Fœtus d'Ultravomit, s'il vous plaît. Alors, parle-nous un petit peu du mystère qui entoure ce double titre, Alpha et Omega, le magistère de l'abnégation. Alors déjà, c'est Alpha X Omega. Ouais, Alpha X. Ouais, bah, c'est vrai que c'est toujours un peu porno, hein, mise en voilà, croix. C'est hein. Très, très X. Bah ouais, c'est nos influences. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas Clara Morgan et Ovidie qui viennent faire des guests, là, bientôt. Bah, elles ont été remplacées, on a pris des jeunettes. Des filles qui sont que sur le web. Ah bon, alors ça va. Alors, c'est terminé le film sur M6, dimanche soir. D'accord, ok. Bon, bah écoute, moi, tu sais, hein, je suis resté un petit peu... Ouais, maintenant, tu es au courant. Maintenant, il me faudrait des films en tactile, maintenant. C'est ça, voilà. Hein bah, ça arrive. En odorama. En odorama. Allez, raconte-nous un petit peu ce qui se cache derrière ce titre du nouvel album de Misanthrope qui nous a vraiment botté le cul. Ben super. Ben déjà, ce qui se cache, mais surtout un album, le 10e album d'un groupe de métal extrême français. La légende voudrait qu'on soit le premier groupe extrême métal français à avoir fait 29 ans sans jamais s'arrêter une minute. En tout cas, une journée de Misanthrope, parce que tous nos petits camarades ont toujours splitté 5 ans, 10 ans par là, 14 ans par là, 7 ans par là. Nous, on n'a jamais arrêté. On a donc compilé 10 albums, 3 compilations best-of et 2 albums sous un autre nom, Argile. Mmh. Donc ça fait plus un split CD. Ça fait une grosse carrière. Et donc là, Alpha pour le commencement de toute chose, le X, le chiffre romain 10 pour dire 10e album, et l'Oméga... La chute de leur dieu. C'est-à-dire qu'on est dans le concept toujours de Misanthrope, de la vie, d'une vie fantasmée du descendant de Molière à travers les âges et les époques de notre culture française. Et donc là, on est juste après l'Enigma Mystica où Alceste avait découvert le pouvoir apostolique et avait eu un contact direct avec Dieu. Et là, sur ce nouvel album, on va au-delà. Au-delà de cette action. Nom de Dieu! Au-delà de Dieu! Nom de Dieu! Nom de Zeus! Marty! Et pourquoi le magistère de l'abnégation? Parce que il est un petit peu comme nous, les membres du groupe Misanthrope. On est face à une léthargie, les gens ont oublié, et nous, nous avons continué malgré tout. Donc nous sommes, malgré les années, malgré 29 ans de carrière, toujours debout, et on s'assoit avec Alceste, dignement, sur le siège du magistère de l'abnégation, c'est-à-dire qu'on continue coûte que coûte notre musique, parce qu'on a toujours voulu être musicien depuis qu'on est adolescent, et on n'a jamais arrêté de faire des disques. Et paraît-il, c'est de mieux en mieux. Ben, ah ben, oui, je confirme. De mieux en mieux, effectivement. Mais disons que peut-être que le public a appris à apprivoiser un peu plus directement la musique de Misanthrope. Parce que, bon, en dehors de la musique, il y a aussi la voix de SAS de l'Argilière. Et qui, pour certains, quand ils découvrent Misanthrope, encore aujourd'hui, quand je l'ai passé au bureau, tu vois, il y a des gens qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'il a, le monsieur, il a des problèmes de gorge. Je leur dis non, faut écouter les paroles, il faut rentrer dans le jeu, c'est du théâtre tout ça. Donc si tu veux, voilà, je suis obligé d'expliquer. Et puis je leur dis mais bon, écoutez, dissociez un petit peu le tout, écoutez d'abord la musique et vous écouterez et vous analyserez un petit peu les textes. Alors, je ne suis pas après du tout d'accord avec toi, parce que peut-être que sur Sadistic Sex, on pouvait dire que j'avais un chat dans la gorge très fort, mais là, c'est complètement gommé, hein. Il n'y a plus du tout ça. Hein. C'est beaucoup moins. Mais par exemple, sur La Fabrique du Fataliste, le premier titre que l'on va écouter, le premier titre d'ailleurs que vous aviez donné en pâture à vos amateurs, aux fans. Hein. Fans, ouais. Donc là-dessus, ouais. Pareil, un titre qui commence vraiment tout en mélodie, et puis qui déboule comme ça, avec des guitares partout, de la basse partout. Ce qui est intéressant en fait dans cet album, et comme dans les précédents aussi, c'est que distinctement, on arrive à entendre tous les instruments. Et ça, c'est quand même pour un groupe de death progressif, puisque c'est comme ça qu'on nomme un petit peu Misanthrope. C'est chapeau bas, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas forcément tous les instruments dans les albums de death metal. On a mis 2 ans pour le mixer, hein, donc heureusement qu'on entend tous les instruments. Non, mais le gros souci, c'est que ce que vous entendez, quasiment 99% des productions actuelles, c'est des choses faites en home studio dans des ordinateurs. Nous, on a été au studio d'Avou à Paris, on a mixé sur une vraie console, une SSL, on a été dans un vrai studio. On a beau dire, un ordinateur et une carte son à 5 000 euros, ça vaut pas un studio avec un équipement qui vaut un demi-million. Donc c'est pas la même chose. Et puis après, il y a aussi le talent des musiciens qui joue dans Misanthrope, et il y a plein de choses. Nous, on travaille la prise de son énormément. On a de l'expérience et voilà. En tout cas, un travail. C'est pas des machines, c'est de la musique, encore une fois. Mais en tout cas, un travail vraiment bien fait, dont on a pu voir quand même quelques titres à la Ferté sous Jouarre il y a très peu de temps. Au Fertois Rock in Fest, hein, qui était vraiment très bon, puisque vous avez échappé à la flotte quand même. Hein, ah ça... nous, toujours, hein. Toujours. Faut pas jouer avec nous, parce que quand il pleut, c'est pas nous qui prenons. Voilà, vous jouez avec le feu. Alors parlons-nous un petit peu de comment allez-vous présenter cet album sur scène. Est-ce que vous allez le présenter dans sa longueur, dans son entièreté, ou est-ce que vous allez comme d'habitude mélanger? On va clairsemer les morceaux. Oui, on va faire 4-5 titres du nouvel album qu'on va faire tourner tout le long de la tournée, et puis on mettra toujours une dizaine de classiques pour satisfaire les gens qui nous suivent. Donc non, on fait tourner les setlists depuis pas mal de temps. Mmh. On ne fait jamais tout un nouvel album dans son entièreté. Je sais bien que ça nous plairait de faire ça. Mais voilà, si on ne joue pas Bâtisseur de cathédrale ou Névrose, on va se faire crucifier. Donc c'est pas faux. Tout de suite, bientôt. Donc nous, on va mettre 3, 4, 5 titres maximum par concert du nouvel album, suivant ce que font nos prédécesseurs. Et je pense qu'il n'y a jamais personne qui fait que son nouvel album, à part des formations ou des concerts très spéciaux, ou des formations qui, de toute façon, jouent que sur le nouvel album. Des groupes très très connus qui défendent, qui font ce qu'ils veulent. Nous, on peut pas vraiment faire ce qu'on veut, on doit répondre à nos fans aussi. Mmh. Donc c'est important de tout mélanger, puis il faut pas oublier d'où on vient, donc c'est toujours sympathique. Mais bon, avec 10 albums, là, ça fait 1200 chansons, ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est pas faux. Non, mais un jour, il faudra faire un concert marathon. Misanthrope sera les seuls à avoir fait ça et ça sera génial. Attends, j'ai un coefficient multiplicateur, ça va être plutôt 120 chansons. En fait, on est dans les 200, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. Mais non, mais moi, je te laisse. Ça hein. me semblait un peu énorme. Moi, je te laisse dire. Il n'y a pas de souci. Allez, Misanthrope, on va écouter un premier titre. Parce que ben, ça s'appelle La Fabrique du Fataliste. Tu vas nous en dire deux petits mots. Oui, ben, La Fabrique du Fataliste, c'est une métaphore sur la grande destruction de l'humanité qui est en cours. Et voilà, donc on met ça dans une... voilà. On a créé une fabrique comme si c'était, voilà, comme le diable avait un nouveau nom, c'était le fataliste et il construisait la destruction et l'asphyxie de l'humanité et la destruction de la planète en même temps. Oh là là là là là là, tout un programme. Nous partons, nous partons en musique, nous partons. Dans la fabrique du fataliste. Absolument. Dans la fabrique du fataliste et nous retrouvons SAS de l'Argilierge tout de suite après. Musique, monsieur Tom! L'entre-lui des aventures brudes, une impulsion s'envole. De retour, tout en douceur avec Misanthrope. Après la fabrique du Fatalis tiré de l'album Alpha X Omega, le magistère de l'abnégation, sorti chez Holy Record, dans toutes les bonnes boucheries, vous pourrez retrouver cet album. Vous entendez les douces mélodies de Galatia. Très beau morceau qui dure plus de 6 minutes, hein, si mes souvenirs sont bons. Et vraiment, mais tout en ambiance. Moi, j'ai adoré ce titre. Oui, c'est le premier morceau épique de Misanthrope. Ouais, non, vraiment, vraiment super. Parle-nous justement un petit peu de ce morceau. D'où est venue l'idée D'où est venue l'idée? On voulait faire un morceau épique, un petit peu inspiré des grands morceaux des prémices du Viking Metal de Bathory sur l'album Blood Fire Death. Et celui d'après, Twilight of the Gods, et Hammerheart surtout. Et puis voilà, en écoutant ça avec Jean-Jacques, on s'est dit, mais c'est trop bien, il faut quand même retrouver cet esprit conquérant. Et j'avais un texte que je travaillais depuis des années sur nos ancêtres les Gaulois. Il fallait bien un jour quand même le sortir. Ça faisait très très longtemps que je voulais aborder cette période. Mm-hmm. Et on a composé la musique tout en connaissant le thème. Et ça a donné Galatia, voilà, avec cette intro, le beau lead, et puis le passage piano, chant, plaintif au milieu. Et puis la fin, pareil, les percussions de Gaël sont très très impressionnantes sur ce morceau-là. Le riff est torturé. Non, vraiment excellent. Super morceau. Moi, j'ai vraiment craqué sur ce titre-là, avant tous les autres, tu vois. Et, d'accord. Et ça m'a... je trouvais qu'il était rempli d'émotions. Et... Oui, c'est le dernier que j'ai enregistré au chant. Ouais. Donc, l'album était terminé, il m'en restait une, et tu vois, je pense que ça y fait aussi beaucoup. Ça y fait aussi beaucoup, au top de ma forme, et puis j'ai content d'avoir enregistré l'album. Et quand c'est le dernier, tu sais, tu te dis toujours si jamais c'était la dernière chanson que j'enregistrais avec Misanthrope. Bon, on espère que non, hein. On espère que non, et ça te donne beaucoup d'émotions. Voilà. C'est pas faux. Parle-nous un petit peu de tes petits camarades de jeu, parce qu'on sait que vous êtes tous un petit peu éparpillés aux quatre coins. Il y a Anthony qui est à Toulouse, guitariste, Gaël qui est à Nancy à la batterie, et Jean-Jacques qui est à Paris. Et vous êtes donc tous retrouvés au studio, ou est-ce que vous avez enregistré chacun vos parties et vous avez rassemblé tout ça après? Non, donc on a composé ensemble. En fait, ça s'est passé relativement sereinement, avec plein de... On a beaucoup de facilité pour composer l'album. On avait enchaîné le Summer Breeze, le Hellfest et le Brutal Assault, trois gros festivals à la sortie de Enigma Mystica. Et tout de suite, on s'est remis à composer et les morceaux sont venus tout seuls. Vraiment, c'était extraordinaire. Chacun composait, on avait les riffs, on les arrangeait, on répétait ensemble. Donc les démos, les riffs, on compose des fois les... On vient avec un morceau entièrement fait, après des fois il y a juste des bouts de guitare qui sont retravaillés. Moi j'ai composé deux chansons avec Anthony, le reste ça s'est partagé avec les garçons. Et puis après on se revoit tous ensemble, on répète tout ça, donc on fait ce qu'on appelle une pré-production, première, et après on répète la pré-production avant de rentrer en studio pour l'album, comme ça on fait les modifications, les touches, et puis on va en studio tous ensemble. Tous les quatre, on a loué le studio d'Avou à Paris avant qu'il soit détruit. Et oui. Et donc c'est très certainement le dernier album de métal en plus à être enregistré là-bas dans ce lieu mythique qui a vu la compilation Marbrog Rendez-vous. Tout à fait. Qui a vu le deuxième album de Blasphème, Désir de Vampire. Qui a vu trois albums de Misanthrope, entre autres. Qui a vu les Patrick Rondin. Enfin bon, bref, beaucoup de choses. Tout ça pour te dire que. Voilà, dans un gros studio, on peut enregistrer, vu qu'il y a plusieurs cabines, une grosse console, on peut enregistrer guitare, basse, batterie en même temps. Donc c'est formidable et ça donne justement cette énergie, ce punch. Donc on s'est beaucoup vu pour faire le disque, oui. Très bien. Et on enregistre, donc on l'a enregistré tout ensemble, après on faisait la deuxième guitare en overdub. Le lendemain, enfin après les sessions rythmiques, on a enregistré les solos de guitare et les guitares claires. Puis après j'ai fait le chant, voilà, et après on s'est arrêté un petit peu, on a fait les guitares acoustiques, électro-acoustiques, et on a fait les arrangements orchestraux, ça a pris un peu de temps, Et puis on s'est encore arrêté et après on a commencé le mix et on a passé à peu près le temps de se mettre tous d'accord avec le producteur. On a passé un an et demi. Un an et demi, ouais, pour faire l'album. Mastering. Pareil, 3-4 fois, 3-4 mastering, histoire de... D'être sûr. De bien se prendre la tête et d'être sûr. Et puis après 9 mois pour faire la pochette de l'album. Et puis là, c'est les photos. Et puis donc, il y a un gros DVD qui est avec. Bon, on a vu vraiment gros hein, pour le 10e album. Il y a un DVD de 2 heures, 120 minutes. Où il y a 4 vidéoclips. Il fallait tout tourner. Pour la première fois, il y a un court-métrage sur Misanthrope où on nous voit justement à Davout, mais vraiment tout le temps, matin, midi et soir. Donc il y a une facette que personne n'a jamais personne ne le connaît. Hein. C'est nous quatre ensemble en train de faire de la musique à Davout. Donc c'est assez impressionnant et très émouvant en voyant ça. Bon, alors ça va être à découvrir. Moi, j'ai pas encore l'album physique, hein. J'attends avec impatience. Scandale, mais monsieur Philémol. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, on a eu l'album bien en avance. Merci beaucoup, hein, pour ce. Avec plaisir. Pour cette présent pour le Rock for Soul. Ouais, hein. Franchement, c'était un vrai plaisir parce que j'ai pu l'écouter en plus en partant sur la route. Avec qui vous savez lors d'un concert et donc c'était très bien, j'avais du bon son dans mes oreilles et c'était voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'album. Pas partagé, hein. Non, il n'a pas été partagé puisque je leur ai dit j'ai l'album, je l'écoute. Celui qui veut l'écouter, eh ben, il prend mon casque et il l'écoute, mais je ne l'ai pas partagé. Donc du coup, voilà, certains en ont entendu des bribes, hein, parce que bien entendu, je n'aurais pas fait écouter tout l'album. Mais tout le monde s'est accordé à dire que le son était monstrueux, hein, dans le bon sens du terme. C'est super bien et c'est bien... Voilà, moi c'est doublement bien justement parce que c'est dans un vrai studio, donc ça montre qu'il n'y a pas que le home studio et il n'y a pas que ce qu'on appelle le mixage en interne qui est bien, ce qui est aussi les batteries non triées, l'acoustique, le travail de l'acoustique, donc c'est un métier et c'est agréable en fait d'avoir un son différent de tout le groupe, tu vois, c'est quand c'est le bois, la peau de résonance quand c'est Gaël qui tape. C'est sa baguette sur la peau qui résonne, qui va dans un micro, il y a une membrane, qui rentre dans un compresseur. Tu vois, c'est pas juste un tri. Voilà, mais il faut du temps, beaucoup d'argent et être passionné par ça. Et je pense que ça s'entend, je pense. Ouais, mais beaucoup d'argent, ça c'est normal, hein, parce que Misanthrope, on a énormément. C'est un groupe qui roule sur l'or, d'ailleurs, qui vide sa musique. Ils en veulent bien, hein, si vous voulez nous en donner. Hein. C'est un groupe qui vide sa musique et qui d'ailleurs va bientôt financer la résurrection, peut-être, éventuellement, du PMFF, je pense. J'adore être avec toi dans ton émission. Mais moi aussi, je t'adore. C'est formidable. Eh bien, on s'en va arranger. Bien. Bien, on va tous arranger. On va tous arranger. Il y a de la place dans la cave à manger. Allez, on va parler des concerts, surtout des concerts de Misanthrope, puisqu'il y a déjà 2 dates de prévues, c'est ça? Voilà, bah là on revient, donc on a fait la release partie au Conquérant Festival, c'était avant-hier, avec on était coincé entre Loudblast et Agressor, donc on avait quand même une belle place. Il y avait une très belle affiche d'ailleurs cette année. Witches, Crusher, Sans Dragon et plein d'autres amis. Donc c'était un petit peu la guerre et on a fait un gros bœuf, vu que c'était pour une association, un sourire pour Valentin. On a organisé avec les musiciens qu'on connaît depuis 25 tatoueurs à 30 ans, on a fait un bœuf sur 7 chansons, hein, quand même. C'est bon, j'ose le dire. Et donc, on a fait un bœuf sans le répéter, mais en le préparant, chacun de son côté. Et voilà. Et donc, c'était Destroy. C'était un final en apothéose. Vraiment, j'ai retrouvé le côté punk grind des origines du death metal. Et donc, on a fait. Qu'est-ce qu'on a joué? Une reprise de Slayer. Il y a eu une reprise de Death, il y a eu une reprise de Terrorizer, une reprise d'Obituary, et puis moi j'ai fait la reprise de Massacre avec les garçons qu'on avait fait au Fall of Summer, mais avec d'autres musiciens, et on a fini en apothéose avec Black Metal de Venom, tous ensemble. Bien, bah tu vois, moi je pouvais pas y être parce que j'étais au Samhain Festival et puis après au Vouziers à Vouziers, où il y avait Venom justement, mais Venom Incorporated. Et c'était vraiment, c'était bien hein, de retrouver les vieux briscards de Venom. Bah, je pense que l'affiche telle que tu nous l'as décrite, nous on y était l'année dernière, il devait y avoir Loudblast, mais ils étaient tombés en rade avec leur camion. Et ben, je suis bien content que cette affiche ait eu encore une fois du succès. Et puis ben, on le souhaite longue vie au Conquérante Metal Festival, puisque c'est vraiment une association caritative qui est pour la maladie du petit Valentin, qui est malheureusement décédé l'année dernière. Voilà, ouais, c'est... Mais l'aventure continue et l'association... Ouais, l'aventure continue, c'est ça qui est fou. Mmh. Et oui, bon, bah, des fois les death metal, le metal extra est un cœur. C'est vrai. Tu sais, c'était comme à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, pour Noël, les rockers ont du cœur, où tu rentrais dans un concert avec un jouet neuf. Il y a eu plusieurs choses, Ah ouais. Oui. La mutualité avec Titan et... Oui. Ah ouais, il y avait aussi tout ça. C'est vrai qu'il y a toujours eu des choses. C'est vrai que les rockers ont du cœur. Voilà, c'était un mot compliqué. Et qu'est-ce que je veux dire ? Donc on a deux autres dates. On enchaîne là le 8 décembre à Limoges, Super Salle John Lennon. Oui. Et puis Super Salle à Nantes au Ferrailleur le lendemain, le dimanche 9. Très bien. Bah écoute, on va relayer. Et puis la tournée 2018. Voilà, on relayera toutes les dates à venir. Et puis si un jour t'as envie de repasser un petit message dans le Rock for Show ou si tu passes dans la région, bah t'hésite pas, hein, tu cognes à la porte. Oui, bien sûr, toujours présent. Il y a une grosse actualité, bon, vous allez voir, mais les chroniques vont tomber, les magazines nationaux, bon, vous me reparlerez du Misanthrope parce que c'est plus qu'un dixième album et c'est plus que un nouveau disque de Misanthrope, l'accueil est plus que bon, c'est au-delà du bon. Donc on en est ravis, mais voilà, ça va. Écoutez-le, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Très bien, en tout cas... Prenez le temps. De toute façon, c'est un disque qui s'écoute dans toute sa longueur. On ne l'a pas précisé, mais il y a quand même 12 titres sur cet album. Hein, donc il est rempli vraiment à ras la gueule, hein, on peut le dire. Et donc, de toute façon, c'est un disque qu'on ne peut pas comprendre. Hein. Je vous dis tout de suite, on ne peut pas comprendre en l'écoutant la première, ni la deuxième, ni la troisième fois. Il faut du temps, il faut l'assimiler, il y a beaucoup de choses. Ça me rappelle ce que disait Lars Ulrich en 86 pour la sortie de Master of Puppets. Plus vous l'écoutez, plus il y a des petits détails, à droite, à gauche, de la basse, des cymbales, de guitare, du chant. Mais voilà, c'est un peu pareil. Parce qu'en fait, finalement, ce disque Alpha X Omega, c'est juste deux guitares, une batterie, une basse, un chant et de l'orchestration, mais ça arrive à créer, voilà, avec l'expérience, le line-up. Nous, on n'a pas changé de line-up depuis plus de 15 ans, hein, Misanthrope. C'est un groupe très soudé de musiciens qui travaillent ensemble. C'est un peu différent du reste de nos petits camarades. C'est un petit peu différent, voilà, ce qu'on propose. On ne citera pas de nom. Nous allons terminer. La vie, c'est trop longue. Non, du tout. Mais je voulais quand même repasser un autre titre de Misanthrope, hein, d'Alpha X Omega, le magistère de l'abnégation. Et nous allons parler et nous allons passer Épuration, qui est aussi l'un des morceaux phares de cet album. Bon, en fait, il y a 12 morceaux et c'est 12 morceaux phares. Vous allez pouvoir éclairer les ports de tous les pays. Et vous allez pouvoir éclairer vos routes, éclairer votre chenifi, votre appartement. Tellement il y a de choses à l'intérieur de ce nouvel album de Misanthrope. En plus du packaging, en plus des vidéos, en plus de tout. Ah, il est beau voilà. Il est beau le packaging. Vous allez voir, c'est la première fois qu'on fait un media book. Un très beau cadeau de Noël. Un hardcover media book limité avec sur papier spécial 24 pages de livret. En plus, il y a une petite intro. Il n'y a pas que les paroles, il y a aussi un petit texte d'ouverture. Enfin, voilà. En tout cas, vous en avez pour votre... DVD, en plus, que ce que je ne vous ai pas dit sur le DVD, il y a quand même l'intégralité du concert du Hellfest de Misanthrope de 2003. Et il y a aussi les trois morceaux qu'on a enregistrés pour l'émission Une Dose de Métal, l'émission de télévision de l'énorme TV, plus une grande partie de l'interview avec Monsieur Burier. Bon, bah, c'est très bien, voilà. Donc voilà, on aurait pu le vendre à part, mais on s'est dit on va l'offrir avec édition limitée. Parce que voilà, faut profiter, hein, si on peut le faire, on le fait. Merci en tout cas beaucoup pour tout ça, pour ce cadeau de fin d'année, parce que ça va être un beau cadeau à offrir et à mettre sous le sapin, à mon avis. Et puis surtout, on espère vous retrouver très rapidement sur les concerts, sur scène, parce que c'est là aussi que la musique prend son envol, prend sa vie, hein, sa vitalité. Et bah, on va se quitter avec SAS de l'Argilière sur le morceau Épuration. Merci à tout le monde. Merci à toi et à très très bientôt. Et la grosse bise. Vous aime tous. Et la grosse bise à tous les musiciens. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. de retour dans les studios. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces titres de mise en trop tirés du nouvel album Alpha X Omega, le magistère de l'abnégation. S'ils ne l'ont pas apprécié, ils l'auront demain en podcast encore. Oui, bien entendu. Merci, Tom. Et bien, nous allons continuer sur des nouveautés. Sur des nouveautés. Et nous allons rester quand même dans le côté un petit peu métal extrême, puisque nous allons partir avec Bloody Alchemy, tiré de leur album Kingdom of Hatred, et c'est le titre Control qu'on va vous passer. C'est une autoproduction qui est promue par Ellie Promotion. C'est sorti le 1er octobre. L'album fait 10 titres, c'est un quatuor de death thrash metal qui nous vient de la région parisienne. Ils se sont formés en 2014. On enchaînera avec Black Witchery, tiré de l'album qui se nomme Inferno of Sacred Destruction. Tout un programme. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Antichrist Order of Holy Death. C'est sorti en 2010 chez Osmose Productions, bien évidemment. C'est du black metal, formé en 1998. Ils nous viennent des États-Unis, de Orlando exactement, et ils seront surtout en concert le 3 novembre à partir de 18h30 avec Possession, avec alors là, c'est trop dur à dire. Nyogdal Blitz. Et ils seront également avec Exen Holocaust. Ça sera au Gibus Live. Ce sera donc au Gibus Live, effectivement, mon cher Tom. On enchaînera ensuite avec Broken With Rebels. Alors là, ça n'a rien à voir, hein. On change carrément de style, puisqu'on retourne dans le blues à la Popa Shubi. Et le groupe sera également en concert, je crois, dans la région parisienne. Ça sera le 7 novembre. Aux Étoiles, donc c'est à Paris le 7 novembre aux Étoiles, c'est du blues. L'album est sorti le 24 sortira le 24 novembre je sais plus, tu as les petits renseignements là-dessus sur Broken With Rebel, mon cher Tom? Oui, mais j'ai pas je n'ai pas ce que tu me demandes. Bon, bah c'est pas grave. Le titre de l'album, c'est Guns. Le titre du morceau, plutôt, excusez-moi, c'est Guns. Le titre de l'album, c'est Georgia Pine. C'est un EP. Et puis, on va vous les laisser en musique. Ils nous viennent d'Angleterre, bien évidemment. Et on part tout de suite en musique. On vous rappelle le numéro de téléphone si vous voulez rappeler les places. 06 81 01 28 34. Allez, musique, c'est parti. Your mind. The voice drove. De retour dans le studio du Rock for Show aux douces mélodies de Trust. Trust avec l'élite. L'élite que vous a passé déjà la semaine dernière. Et vous entendrez normalement. Bah pourquoi tu nous coupes? Fallait laisser. Pourquoi t'es coupé? Maintenant c'est antisocial. Ouais. Allez, baisse-moi un petit peu, je suis trop fort là, dans mon casque. Donc Trust qui seront en concert pour une série de concerts à Paris. Ça commence le 6, donc ça va être le lundi, hein, lundi 6. Au Bus Palladium, le concert est complet le 7 novembre. À la Maroquinerie, le concert est complet le 8 novembre. Au Bataclan, je crois que ce n'est pas encore complet. Le 9 novembre au Trianon, ce n'est pas complet. Et le 10 novembre à l'Élysée-Montmartre, c'est complet. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Eh bien, il y a un nouvel album live qui sort, qui s'appelle Live Hellfest 2017 au nom de la Rage Tour. Ça sort le 3 novembre. Ça sort demain, quoi. Ça sort demain, bien entendu, chez Vericord. Voilà. Il y a 9 titres, plus un... 9 titres en live, bien sûr, plus un DVD. Et il y a 2 titres, je crois, inédits concernant le prochain album de Trust qui devrait sortir. Nous avons écouté quoi, mon cher Tom? Juste avant, on avait commencé avec Bloody Alchemy. On a enchaîné avec Black Witchery et on a fini avec... Black and White Rebels. Exactement. Et nous allons continuer avec des nouveautés, mais surtout un groupe qui sera en concert. C'est Acme qui sera en concert avec Head Charger. Ça sera la Maroquinerie, bien entendu. Et ce sera le 4, c'est-à-dire dans 2 jours, samedi. Hein, et on a des CD à vous faire on gagner. On a des CD de Acme, du dernier album d'Acme à vous faire gagner. Le dernier album d'Acme qui s'appelle Acme, tout simplement. Et ce soir, on va vous passer Tous tes supplices. L'album est sorti le 22 septembre chez At Home. C'est le 8e album du groupe. Le groupe a 18 ans d'existence et c'est du métal alternatif. On enchaînera ensuite avec Point Mort, tiré de leur album qui s'appelle Look at the Sky. C'est un EP, 5 titres, et on vous passera Ophelia, sorti chez Almost Famous Records en 2017. C'est du post-hardcore, alors bien sûr, vous allez voir, c'est assez ambiante. Ça s'est formé en 2014, le groupe est parisien, ils seront en concert le 3 demain à Paris, au club. Pas tout seul, hein, puisqu'ils seront avec une Event Structure et 91 All-Stars. C'est un concert Caliap concert et il y aura des places à gagner au 06 81 01 28 34. Alors uniquement quand vous entendrez le morceau de Point Mort, vous pourrez rafler ces places au numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Et nous enchaînerons ensuite avec 91 All-Stars qui fait partie de la même affiche. Tiré de l'album Retour vers la lumière, le morceau c'est Éclipse éternelle. Retour vers la lumière, Éclipse éternelle, c'est marrant, hein, je trouvais que c'était marrant. C'est sorti chez Season of Mist en 2016, c'est du Deathcore. Le groupe s'est formé en 2005 et ils nous viennent de Paris. On envoie tout de suite la musique et on se retrouve tout de suite après. Ah, musique. Dans le ciel, quand les Bon, et bien voilà, vous écoutez toujours le Rock for Show. Tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 avec Tom et Phil. Tom à la technique, Phil au micro, et puis Tom au micro aussi. Et puis Radio Québec de l'autre côté de l'Atlantique, tant qu'ils n'ont pas coupé le câble, tout passe bien. Voilà. Ou presque. Ouais, parce que la semaine dernière, il y a eu des petits soucis, mais bon, sur le podcast, vous avez vu, il n'y en a pas. Non, j'ai pas écouté. Mais normalement, je fais confiance à Tom, il m'a dit qu'il n'y en avait pas, donc il n'y en a pas. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Les Prousses. Mais avant ça, on a écouté quoi? On a écouté des petites choses, des petites réjouissances. On a écouté Acme. On vous rappelle qu'il y a toujours des CD à gagner de dernier album d'Acme qui se nomme Acme. Voilà. Il n'y a pas de question, hein, c'est vraiment. C'est parce qu'on ne peut pas vous offrir de place de concert, donc on vous offre les albums à la place. Nous avons écouté Point Mort et nous avons écouté 91 All Stars. Et là, par contre, on avait des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Puisque c'est un concert Calliope Record, Calliope Promotion ou Calliope Concert. Et donc, on a des places à vous faire gagner. Pour les Prousses, on a également des places à vous faire gagner. Sorti en 2015 chez Inside Out. L'album s'appelle The Congregation. Mais il y a eu un nouvel album, je crois, qui est sorti. C'est un groupe norvégien. Et nous avons des places pour le concert du 6 à Paris, qui se déroulera au Trabendo avec Agent Fresco. Donc vous nous appelez 06 81 01 28 34. Pas de questions, hein, on vous les donne, ces places-là, pour les Prousses. Nous allons continuer avec d'autres groupes en concert. Dying Fetus, ça vous dit quelque chose? C'est quelque chose de... Hein, c'est... Ouais, c'est américain, quoi. C'est du trash, death grind. Alors là, on rentre dans le dur de dur. Hein. Dying Fetus, tiré de l'album Wrong One to Fuck With. Et le titre que je vous propose de découvrir, c'est Fixed and on Devastation. Fixated on Devastation. Sorti chez Relapse Records le 23 juin 2017. C'est un trio, ils se sont formés en 1991 et ils seront en concert le jeudi prochain, le 9 novembre, à partir de 19h, avec Psychroptic, Beyond the Creation, Disintombed, et puis c'est tout, et ça sera au Petit Bain. Voilà, là j'ai pas de place à vous faire gagner, malheureusement. On enchaînera ensuite avec Moebius tiré de l'album Ibris, le morceau c'est Mercury. Le label, c'est KZ Management. C'est ça, c'est sorti le 20 octobre 2017. Le groupe a été créé en 2014. Les influences, c'est plutôt Pantera, Rage Against the Machine. Mais ils sont aussi influencés par Meshuggah, Tool, Porcupine Tree et Mastodon. La musique est un mix entre le power et le mélodique. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de marqué dans leur bio. Ben je vous propose de découvrir tout ça, de retenir le numéro de téléphone 06 81 01 28 34, de nous appeler si vous voulez gagner des places pour Bumblefoot, pour... qu'est-ce qu'on a? On a des CD de Acme, on a des places pour Les Prousses, et on a également des places pour 91 All-Star, avec An Event Structure, et puis c'était quoi? C'était Point Mort, voilà. Tout ça au 06 81 01 28 34 pour vous. Et maintenant, on part en musique. On se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission. Musique. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show et de Pensées Nocturnes. Tiré de l'Hélicon, c'est le titre que vous entendez. Ça s'appelle À boire et à manger. Et ouais, c'était une autoproduction sortie il y a quelques temps. C'est du black avant-gardiste formé en 2008. Le groupe nous vient de Paris. Et ils seront en concert mardi 7 novembre à partir de 18h avec Au-dessus et Anus Mundi. Et puis je crois qu'il y a un autre groupe aussi qui s'appelle Air. H-E-I-R. Ce sera au Glazart. Voilà. Hein. Donc, pensée nocturne, mon cher Tom. Ouais, elle va être belle, la pensée nocturne. Elle va être belle. Bon, et qu'est-ce qu'on a écouté juste avant? On a écouté Dying Fetus, qui seront eux aussi en concert, et puis Moebius. Voilà. Et on va terminer. On va terminer avec Queen of the Stone Age. Queens of the Stone Age. Tiré de l'album, je sais plus, parce que je n'ai pas tout noté. Ah si, c'est Vilain. Villains, avec un S, hein, bien sûr. C'est sorti chez Matador Records le 25 août 2017. C'est un groupe qui nous vient de Los Angeles. Ils nous font du stoner. Le groupe s'est formé en 1995 et ils seront en concert le 7 novembre à Paris, Bercy. Enfin, c'est Hôtel Arena Mekoi. Accor Hôtel Arena. Accor Hôtel Arena. Merci, merci pour la pub. Je sais jamais. POPB. Voilà, POPB. Bon, donc on va vous laisser avec ça. Puis la semaine prochaine, je crois que je sais plus ce que c'est comme émission, mais il me semble que c'est peut-être bien Musicowai Festival spécial Musicowai, je sais plus. En tout cas, on vous tient au courant. Vous regardez le Facebook du Paris Metal, de n'importe quoi, du Rock for Show. Vous pouvez aussi regarder le Facebook du Paris Metal. Ouais, vous pouvez. Il peut se passer des fois des choses. De temps en temps, on annonce des trucs. Hein, donc peut-être. Mais en tout cas, voilà. Puis je voulais, saluer mon ami Patomé. J'avais envie comme ça. Ah, je crois que c'était moi que tu voulais saluer. Ouais, je peux saluer mon ami Tom aussi. Puis tous ceux qui nous écoutent régulièrement. Mon ami Chris, mon ami Hugo, mon ami Molette. On salue tous les gens de la Terre. Et puis l'ami Aout aussi. La miaou, c'est le chat. C'est le chat. Hein. Allez, on envoie Queen of the Stone Age et on vous dit à la semaine prochaine. C'était rock, c'était fort, c'était chaud, c'était le Rock for Show. lost my beating heart. To do.